Bonsoir, qui est à l'appareil? Lucky Vert à l'appareil. Je suis l'entraîneur de l'équipe de handball de Frédéric. Est-ce qu'il est là? Non, je suis désolé. Il vient de sortir. Il est au cinéma avec sa copine. Il peut vous rappeler plus tard, monsieur Hiver? Il va rentrer vers quelle heure? Après 22 heures. Bon, je préfère lui laisser un message. Est-ce que vous pouvez lui dire que la date du match vient de changer? La date, c'est le 10 septembre au lieu du 2 septembre. Il n'y a pas de problème, je lui transmets ce message. Merci beaucoup, au revoir. Je vous en prie, au revoir.